Toujours à l'occasion du 72e anniversaire du Parti du Travail de Corée, les membres de la représentation du Fonds des Nations Unies pour la Population en Corée ont déposé le 6 courant une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.